fait un soupir. Les grandeurs 10 de l'obscur journaliste qui était en beau Chris. Contre la grosse police, un journaliste. Son âme ne vient pas de s'envoler en coulisses. Et on se demande pourquoi il a lancé son âme pour être sur 10. Monsieur journaliste, vous avez vraiment le point de sortie. C'est mon peuple qui souffre l'injustice. Qu'est-ce que vous avez fait à ma place de ce jour? C'était un souvenir, un artiste, un obscur journaliste qui était dans mon fils. Contre la justice, jouette à la police, la justice qui joue à la police. On veut pas ça, on n'en veut pas.